Les marches de la gloire ne sont peut-être pas pour moi. Les marches du succès peut-être ne viendront jamais. Mais je m'en fous, oui je m'en fous. Peut-être que je suis trop vieux, que c'est plus le moment. Mais j'aurais fait de mon mieux pour que ça sonne vraiment. Mais je m'en fous, oui je m'en fous. Quelle chance, quand j'y pense, de faire des chansons. Quelle chance, quand j'y pense, d'avoir l'inspiration. Quand je me regarde dans le miroir, je doute souvent de moi. Ma jeunesse s'est envolée, important pour les clichés. Mais je m'en fous, oui je m'en fous. Quelle chance, quand j'y pense, de faire des chansons. Quelle chance, quand j'y pense, d'avoir l'inspiration. Je m'en fous, oui je m'en fous. Quelle chance, quand j'y pense, de faire des chansons. Quelle chance, quand j'y pense, d'avoir l'inspiration. Quelle chance, quand j'y pense, de faire des chansons. Quelle chance, oh quand j'y pense, d'avoir l'inspiration. Quelle chance, quand j'y pense, quelle chance, de faire des chansons. Quand j'y pense, quelle chance.